Le Père de Sainte Thérèse par Céline. Notre Père offre à Dieu tous ses enfants. Quant à notre cher aîné, il faut convenir que papa avait un petit faible pour elle, sans que ce fût jamais, d'ailleurs, au détriment des autres. Il l'appelait sa grande, sa première. Elle dirigeait la maison et n'avait point manifesté d'attirance pour la vie religieuse. Étant très indépendante, elle s'en montrait plutôt éloignée. Néanmoins, elle ouvrit son âme au révérend père Pichon, et notre bon père la conduisit lui-même à Fougères, Ille-et-Vilaine, afin qu'elle suive une retraite que le saint jésuite y prêchait. Marie a raconté elle-même comment elle finit par penser au Carmel. Quand elle en fit part à notre cher père, il poussa un soupir, car il ne s'y attendait pas, et dit « Ah, ah, mais sans toi !» Il domina son émotion, l'embrassa et reprit « Je croyais que tu ne me quitterais jamais. » Au fond, il était fier de cette vocation. Dans une lettre qu'elle m'écrivait du Carmel, le 23 juillet 1891, Marie, devenue sœur Marie du Sacré-Cœur, me rappelait un mot plaisant de notre Père, quand une de ses filles se donnait au bon Dieu. Je comprends la parole de ce pauvre petit Père qui nous disait dans sa simplicité, « Encore une de tirer de dessous la charrette. Oh oui, encore une qui ne sera pas écrasée par les soucis de la vie. Encore une qui prendra son vol vers les hauteurs. Encore une qui suivra l'agneau partout où il ira. » Mon père conduisit Marie au Carmel pour la fête de Sainte Thérèse, le 15 octobre 1886. L'année suivante, à la fête de Saint Joseph, il assista à sa prise d'habit, où le père Pichon prononça un très beau sermon sur la vie religieuse. Pour ces cérémonies, mon père offrait un repas au clergé, auquel il participait lui-même, chez le supérieur du Carmel, monsieur le curé de Saint-Jacques. Cette fois-là, le révérend père Godefroy Madeleine, prieur des Prémontrés de Mondet, se trouvait parmi les convives. C'est lui qui devait corriger le manuscrit de Thérèse, et être appelé « le parrain de l'histoire d'une âme ». Il a témoigné que mon père était près de lui à table et lui avait dit « Je suis bien heureux, voilà déjà deux de mes filles dont le salut est assuré. J'en ai encore une qui n'a pas 14 ans et qui, déjà brûle de les suivre. » On peut dire qu'il vivait avec ses carmélites autant qu'avec nous. Il les comblait de bienfaits, et ses filles le remerciaient au nom de toute la communauté. C'est ainsi que je note dans une lettre de Sœur Marie du Sacré-Cœur, en 1887, le passage suivant. Ce soir, c'était moi qui faisais la lecture au réfectoire. Comme je lisais l'Évangile de demain, où notre Seigneur apparaît à ses apôtres, mangeant avec eux du poisson rôti, notre mère Marie de Gonzague m'a arrêté au milieu de ma lecture pour dire, à toutes, que demain le poisson rôti était fourni par toi. Ainsi, demain, mon petit père chéri, tu feras pour nous ce que Jésus a fait autrefois pour ses chers apôtres. Il était bien bon pour eux, et toi aussi pour nous. Il aimait bien Saint-Pierre le pêcheur. Un jour, il lui a fait prendre une pêche si abondante que son filet menaçait de se rompre. Mais Saint-Pierre n'est pas tout seul privilégié. Je connais, moi, un autre vieux pêcheur, dont le filet aussi est près de se rompre, et Jésus aime tant son vieux pêcheur à lui qui lui demande, en retour, tout le trésor de sa barque, ses enfants pour lui. Elle ne peut lui faire un plus grand honneur, il ne peut mieux lui dire combien il le chérit. Aussi comme le vieux pêcheur comprend le langage de son maître, comme il ressemble bien à Saint-Pierre, comme il court au rivage, comme il s'écrit avec saint Jean, c'est le Seigneur. Et comme le Seigneur le bénit, là-haut, le comblera de gloire. La vocation de Thérèse fut pour papa une offrande de choix. Elle m'avait dit son désir d'entrer au Carmel à 15 ans. Mais comment en parler à son roi chéri? Il allait sacrifier le dernier lambeau de son pauvre cœur. Justement, il était tombé malade le 1er mai. Bien que remis, il restait cependant plus pâle et chancelant. Léonie lui avait demandé de faire un nouvel essai à la visitation de Caen, et il avait aussitôt consenti. Certes, il se doutait du désir secret de sa reine. Son mot au père Godefroy Madeleine, que j'ai rapporté plus haut, le montre bien. On le comprend aussi par le récit du manuscrit, le dimanche 29 mai 1887. Avant que Thérèse lui ait parlé, il la presse sur son cœur, devinant, à son émotion, ce qu'elle va dire. Il l'encourage, et quand la confidence est faite, il dit oui de grand cœur. « Papa, écrit Thérèse, semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint, et je voudrais me rappeler ses paroles pour les écrire ici, mais je n'en ai conservé qu'un souvenir trop embaumé pour qu'il puisse se traduire. Notre petite sœur devait rencontrer plus de difficultés pour obtenir seulement, en octobre, le consentement de notre oncle Guérin. Il était préférable que mon père l'en laissât traiter directement avec lui. Par contre, il l'accompagna chez Monsieur de la Troette, curé de Saint-Jacques et supérieur du Carmel. Ils furent reçus froidement. Ce digne prêtre avait été fortement blâmé parce qu'une de ses filles spirituelles, d'une famille notable de la ville, voulait entrer en son monastère. Il ne tenait pas à donner prise aux mêmes attaques, pour une enfant de 15 ans. Notre père croyant, alors, que Monseigneur l'évêque ferait partie du pèlerinage diocésain, à Rome, auquel nous devions prendre part, encouragea Thérèse, en lui promettant de la présenter à sa grandeur, au cours de ce voyage. Mais, sur le conseil de sœur Agnès de Jésus, il accepta de la conduire plutôt à Bayeux, chez Monseigneur Huguenin. Ce qui eut lieu le 31 octobre 1887. Sa perle fine pouvait bien lui écrire à ce propos. Tout le Carmel prit pour le père de notre lys, cet arbre fécond qui ne sait produire que des vierges. Si tu savais comme mon cœur est attendri en pensant à tout ce que tu veux bien faire pour ta reine, à tout ce que tu as fait pour nous. Va, ne crains rien, l'ingratitude n'habite pas le Carmel. Nous saurons nous souvenir de tes bienfaits et Dieu les compte. Quelle couronne il te réserve? Pendant l'entrevue avec Monseigneur, notre généreux père prit le parti de sa fille, à la grande admiration de l'évêque et de son grand vicaire, M. Réveroni, mais le résultat resta négatif. Le 4 novembre suivant, nous quittions les Buissonnais pour rallier à Paris les pèlerins de Rome, dont le départ était fixé au 7. Toujours soucieux de nous être agréables, papa voulait auparavant nous faire visiter la capitale. Il était plein de gaieté et d'entrain. Je n'ai pas à relater ici ce long et splendide voyage, que l'histoire d'une âme a fait connaître. Il avait été décidé bien avant l'échec de Bayeux et, contrairement à ce que pensent certains, son but n'était nullement de ménager à Thérèse l'occasion de solliciter du pape l'autorisation qu'elle se voyait refuser par les supérieurs. Elle y avait bien pensé avant son départ, mais le Carmel l'en ayant dissuadé, elle y avait docilement renoncé. Enfant d'obéissance, ce fut aussi sur une nouvelle consigne, dont sa petite mère se fit l'écho quand nous arrivions à Rome, qu'elle tenta sa courageuse démarche, avec l'accord de notre père. L'audience pontificale eut lieu le dimanche 20 novembre, après la messe de Léon XIII, à laquelle nous assistâmes, dans la salle du consistoire. Au dehors, pluie, éclair, tonnerre faisait rage. Thérèse, en son récit, a fait une confusion dans l'ordre du défilé des pèlerins, pour chacun des diocèses de Coutances, Bayeux et Nantes. Ce furent les dames qui passèrent les premières devant le souverain pontife, en sorte que papa ne vint qu'après nous. Je cite ici, en grande partie, la lettre que j'adressais le même jour, à Marie. Quand notre tour est venu d'être au pied du Saint-Père, Thérèse s'est agenouillée, mais par malheur M. Réveroni était avec les pèlerins de Bayeux, et c'est lui-même qui les présentait au souverain pontife. Quand Thérèse a fait sa demande, les larmes dans les yeux, le Saint-Père s'est baissé et il a dit, « Je ne comprends pas très bien. Tu sais, il est si vieux que cela arrache les larmes rien que de le regarder, il est pâle comme un mort, il peut à peine se soutenir et parler, il a l'air brisé par l'âge, mais quelle bonne figure! C'est bien un vrai Saint-Père. Mais pour en revenir à la demande de Thérèse, Monsieur Révéroni a répondu tout de suite avec un ton d'ironie, c'est une enfant qui demande à entrer au Carmel à 15 ans, mais la chose est en train d'être examinée devant les supérieurs. Alors le Saint-Père a répondu, après les instances réitérées de Thérèse, ma chère enfant, si le bon Dieu le veut, vous entrerez, laissez faire vos supérieurs. Cela a duré à peine 2 minutes, après, c'était moi, j'avais les larmes aux yeux, mais croirais-tu que j'ai eu l'audace de dire, très Saint-Père, une bénédiction pour le Carmel? Mon émotion me fit omettre le principal, le mot Lisieux, car c'est bien au cher monastère que je voulais rapporter une bénédiction spéciale. Alors il m'a béni, en disant, oh il est déjà béni. Papa venait bien après nous, avec les messieurs. Monsieur Révéroni l'a présenté au Saint-Père en disant, voilà le père de 2 carmélites et d'une visitandine, mais il n'a pas dit que c'était le père de Thérèse. Le souverain pontife a regardé papa particulièrement et il a présenté sa main à papa qu'il a baisé et serré avec amour. Le manuscrit de notre saint ajoute ce détail, le souverain pontife, en signe de particulière bienveillance, posa sa main sur la tête vénérable de mon roi chéri, semblant ainsi le marquer d'un sceau mystérieux, au nom de celui dont il est le véritable représentant. Notre Père non seulement s'efforça d'adoucir la peine de Thérèse, mais il s'employa activement, une fois de plus, à seconder ses démarches. Il rendit visite à un religieux français, le frère Siméon, des frères des écoles chrétiennes, fondateur et directeur du Collège Saint-Joseph. Je préfère citer ce passage de ma lettre du 23 novembre, où je narrai cette entrevue à nos carmélites. Réjouissez-vous, c'est alors que tout semblait perdu que tout est gagné. Papa est allé voir le supérieur des frères, lui serrer la main et le remercier de la réception qu'il lui avait faite, il y a 2 ans, avec Monsieur l'abbé Marie. Le frère était enchanté. Papa lui a parlé à cœur ouvert, il lui a raconté l'audience que nous avions eue dimanche, les désirs de Thérèse, sa demande, et toutes les péripéties, les chagrins qu'elle avait éprouvés. Il a su aussi que Marie, l'aînée de papa, était au Carmel. Il n'en avait jamais vu autant et il était enthousiasmé de notre famille. Il notait tout ce que papa lui disait de Thérèse et se proposait d'en parler à Monsieur Révéroni. Mais écoutez la fin. Papa se levait pour sortir. Qu'est-ce qu'il voit entrer, Monsieur Révéroni? Jugez de sa surprise et de celle du frère. Monsieur Révéroni a été charmant avec papa, il avait l'air de se repentir. Papa lui a demandé s'il avait entendu parler de la réponse de Monseigneur et il a ajouté, vous savez bien que vous m'aviez promis de donner un coup d'épaule. Quel bon père! Puis lui a raconté les chagrins de Thérèse, à l'audience surtout, lorsqu'il avait repris que l'affaire était examinée devant les supérieurs, etc. Monsieur Révéroni a été touché, je crois bien, et il commence à croire que la vocation de Thérèse est extraordinaire. Il a même dit, eh bien j'assisterai à la cérémonie, je m'invite moi-même. Papa lui a dit qu'il serait bien heureux de la voir. Et toutes sortes de choses aimables se sont échangées. Je ne m'étendrai pas longuement sur le voyage de retour, mais je rapporterai seulement cet aimable incident du mardi 29 novembre, à Cannes, tel que je le racontai aussitôt au Carmel. Ce matin, nous nous trouvions, pour nous rendre à la gare, en omnibus avec Monsieur Révéroni. Papa était près de lui et lui a dit tout bas, si vous disiez quelque chose à Thérèse. Monsieur Révéroni a répondu par un sourire. Papa a repris, vous savez qu'elle pense toujours à son petit Jésus de Noël. Même sourire pour réponse. Alors, sans rien savoir, nous sommes montés dans l'omnibus. Thérèse et moi nous étions en retard de papa. Par une permission du bon Dieu, Thérèse s'est trouvée auprès de Monsieur Riveroni, elle en était très près, nous étions 16 dans la voiture, 8 de chaque côté, serrés comme des harengs. Monsieur Riveroni s'est penché vers Thérèse et lui a dit « Eh bien où irons-nous quand nous serons à Lisieux ?» Thérèse, cherchant sa réponse, a répondu par un sourire. Monsieur Riveroni a recommencé sa demande. Thérèse alors a dit « J'irai voir mes sœurs au Carmel. » Il a repris « Nous ferons ce que nous pourrons, n'est-ce pas ?»« Oh, oui !» a dit Thérèse. Monsieur Riveroni a repris « Je vous promets de faire tout ce que je pourrai. » Thérèse lui a, alors, répondu ce mot qui lui sortait du cœur. « Oh merci !» Voilà toute la petite scène. Je vous l'écris immédiatement telle qu'elle s'est passée. Rentrée à Lisieux, Thérèse attendait anxieusement l'autorisation de l'évêque. Sur le conseil de Pauline, elle écrivit, le 16 décembre, à Monseigneur Huguenin une lettre de rappel et aussi à Monsieur Riveroni, s'appuyant sur sa promesse de l'aider. Notre bon père la soutenait de toute son affection. Il allait voir à la poste, avec elle, s'il y avait une réponse. Pour la distraire, il lui proposa un nouveau voyage à Jérusalem, mais ce pèlerinage l'aurait retardé, elle ne voulait que le Carmel. C'est le 1er janvier 1888 qu'elle apprit par Mère Marie de Gonzague l'acquiescement de Monseigneur, mais aussi que, sur l'instigation de Sœur Agnès de Jésus, à cause du carême et sans doute pour ménager Monsieur de la Troette, son entrée serait remise après Pâques. Pendant ces semaines d'attente, mon père se montra d'une délicatesse exquise pour Thérèse. Il ne savait comment lui faire plaisir. Celle-ci a raconté avec émotion la soirée d'adieu au Buissonnet, le dimanche de Quasimodo, 8 avril 1888. Papa ne disait presque rien, mais son regard se fixait sur moi avec amour. Le lendemain, elle partit pour la dernière fois au bras de son roi chéri. Après la messe, il la mena à la porte de clôture et s'agenouilla pour la bénir, en pleurant. C'était un spectacle qui devait faire sourire les anges, a écrit notre sainte, que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant, encore au printemps de la vie. Au retour à la maison, il fut merveilleux de courage. Je l'écrivis immédiatement au Carmel, et Sœur Marie du Sacré-Cœur répondit aussitôt par cette lettre « Mon incomparable Père, ce que Céline nous raconte est digne de toi, à quel Père nous avons. Aussi je ne m'étonne pas que le bon Dieu lui prenne tous ses enfants à ce Père incomparable. Né trop cher à son cœur pour qu'il ne le regarde pas, lui et les siens, d'un amour tout particulier. Comme elle doit te sourire d'en haut, notre bonne mère, comme elle doit être réjouie de voir sa barque chérie si bien dirigée par toi vers le ciel. Ô le meilleur des pères, que nous serons responsables si nous ne devenons pas des saintes, si nous ne suivons pas les traces de ta générosité. Ah comme Jésus devra te rendre au centuple le lys à peine entrouvert, le lys plein de fraîcheur et de pureté que tu lui offres aujourd'hui. En fait, le sacrifice était rude pour notre bien-aimé Père. Un de ses amis lui disait « Abraham n'a pas à vous en remontrer, vous auriez fait comme lui si le bon Dieu vous avait demandé de sacrifier votre petite reine. » Il repartit aussitôt « Oui, mais je l'avoue, j'aurais levé lentement mon glaive, espérant l'ange et le bélier. » Notre oncle et tuteur, Monsieur Guérin, avait manifesté son enthousiasme pour l'héroïque patriarche, qui cependant n'en était alors qu'à son troisième holocauste. À la date du 15 octobre 1886, jour de l'entrée au Carmel de Sœur Marie du Sacré-Cœur, il lui écrit « Un jour, Dieu me montra un vieil arbre chargé de 5 beaux fruits attendant la maturité et m'ordonna de le transplanter dans mon jardin. J'obéis. Les fruits mûrirent successivement. L'enfant Jésus, comme autrefois lors de la fuite en Égypte, passa 3 fois et fit un signe. le vieil arbre se courba amoureusement et, chaque fois, laissa tomber un des fruits mûrs dans la main de l'enfant Dieu. Quel admirable spectacle que celui de ce nouvel Abraham! Quelle simplicité! Quelle foi! Nous ne sommes que des pygmées à côté de cet homme. Toutes les offrandes de notre Père s'achevaient peu à peu, et le bon Dieu permit qu'aucune n'échappât à son mérite. Alors que j'étais bien décidé à lui laisser croire que je resterais toujours auprès de lui, un événement imprévu m'amena à lui annoncer ma vocation pour le Carmel. Le 15 juin 1888, j'avais reçu des grâces de lumière et de force, qui me la rendirent plus chère encore, sans m'inciter cependant à la révéler à papa. Le lendemain, 16, je lui portai, au belvédère, une toile de la Vierge des Douleurs et de Sainte Madeleine que je venais de peindre. Il en fut si content qu'il me proposa sur le champ de me faire donner des leçons de peinture dans une académie, à Paris. Je crus devoir refuser, alléguant, comme raison, mes projets d'être carmélite. Ainsi je livrai mon secret. À cette révélation inattendue, mon cher petit père pleura de joie et s'écria avec transport : Viens, allons ensemble devant le Saint-Sacrement remercier le Seigneur des grâces qu'il accorde à notre famille et de l'honneur qu'il me fait de se choisir des épouses dans ma maison. Il fit part de son bonheur au Carmel dans le billet suivant : Je tiens à vous dire, mes chers enfants, que je suis pressé de remercier et de vous faire remercier le bon Dieu, car, je le sens, notre famille, quoique très humble, a l'honneur d'être comptée au nombre des privilégiés de notre adorable Créateur. À ces accents paternels, ne faut-il pas unir ce qui jaillissait du cœur de notre mère? C'est pourquoi je rappelle ici l'éloge que faisait Thérèse de nos parents, quand elle écrivait « Lettre à Monsieur l'abbé Bélière, 26 juillet 1897, le bon Dieu m'a donné un père, et une mère, plus digne du ciel que de la terre », parole à laquelle faisait écho le révérend père Pichon, quand, nous voyant toutes à Dieu, il nous répétait avec insistance « Mes enfants, vous devez tout ce que vous êtes à vos parents ». Cependant, ils auraient désiré plus encore que des filles religieuses, c'est pourquoi Thérèse écrira « On m'a raconté qu'avant ma naissance mes parents espéraient que leur vœu, d'avoir un fils missionnaire, allait enfin se réaliser s'il avait pu pénétrer le voile de l'avenir, ils auraient vu que c'était, en effet, par moi que leur désir serait accompli ». Thérèse l'entendait du missionnaire qui lui était alors donné comme frère spirituel. Mais nous devons l'entendre maintenant dans un autre sens et combien plus large. Elle avait raison, quand elle rappelait à mon père ce qu'il aimait à redire. Le bon Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. En Thérèse, patronne des missions, nos parents ont eu leur missionnaire et, s'ils n'ont pas donné à l'Église le grand saint qu'ils souhaitaient, ils lui ont donné, selon le témoignage du bienheureux Pie X, la plus grande sainte des temps modernes. Leur rêve était vraiment dépassé. Licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial, partage à l'identique, markendanarchive.org, d'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.